Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, et pour les 100 ans du Parti communiste français, retour sur un événement historique en France, justement, le 10 mai 81, l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République, le retour de la gauche aux affaires après 23 ans d'absence, 23 ans de gouvernement de droite, assez pour faire croire à cette dernière qu'il était dans l'ordre naturel qu'elle fût installée au pouvoir et la gauche scotchée dans l'opposition. Alors le 10 mai 81, la droite tombe de haut. Elle a mal, si mal, que ses leaders en perdent la raison, se répandant en déclarations surréalistes du genre « Avec des ministres communistes au gouvernement, on va voir les chars soviétiques sur les Champs-Élysées » ou alors l'ineffable propos de Jacques Chirac, chef de l'opposition, qui parlait de « l'expérience socialiste », qui avait donc vocation à durer quoi ? 2 mois, le temps que les Français se rendent compte de leur erreur. Elle aura duré 14 ans, et elle n'a rien eu d'une expérience, elle a juste donné à la gauche de l'expérience. La droite avait peur que l'économie s'écroule avec ces socialistes irresponsables qui allaient dilapider l'argent. C'était oublié qu'en bons sociaux-démocrates qu'ils étaient déjà, ces socialistes-là allaient mener très vite une politique dite de rigueur économique. On comprend alors pourquoi, dans cette histoire, les communistes se sont retrouvés dans une position si particulière et si inconfortable. Pire encore, dans ce tourbillon de mai 81, dans ce véhicule vers la gloire pour la gauche, peut-être les communistes se sont-ils assis à la place du mort. Notre invité aujourd'hui, Patrick Le Yarrick, membre du Parti communiste français, président et directeur du groupe L'Humanité, qui comprend L'Humanité, L'Humanité Dimanche, L'Humanité.fr, La Terre et La Fête de l'Humanité qui allie teuf et édito. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA. Récit documentaire Simon Mézanob, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio, Coyen Guyenne, Jérôme Chélius. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Dimanche 12 mars 1978, Château-Chinon. Il est 22h dans le salon de l'hôtel du Vieux-Morvan, où François Mitterrand, maire de la ville, loue une chambre à l'année. C'est là, comme à son habitude, que le premier secrétaire du Parti Socialiste attend les résultats des élections législatives. Les chiffres tombent. C'est vraiment tout ? Pose-t-il d'une voix à peine audible, l'air grave ? Eh oui, c'est vraiment tout. Seulement 22,5% des voix, loin, très loin, des 26-27 que les sondages annonçaient. Le dimanche suivant, les résultats du second tour viennent confirmer la défaite. Encore une. Celle de trop ? Michel Rocard prend la parole à la tribune. « Il n'y a pas de fatalité de l'échec, dit-il. » Une pique contre François Mitterrand, l'homme de la fatalité dans l'esprit de Rocard, qui ainsi se positionne comme le rival du premier secrétaire. Il est vrai que cette défaite des législatives porte un coup terrible au travail qu'il a mené depuis presque 10 ans. L'Union de la gauche, entamée en 1971 au congrès d'Épinay, au cours duquel il prend contre toute attente la tête du nouveau PS. Prolongée en 1972 par la mise en place du programme commun avec le Parti communiste, confirmée enfin au cours des larges victoires électorales de 1976 et 1977. Mais le Parti communiste a commencé à jouer des coudes et à détricoter le fameux programme commun. En face, comprenez à droite, le bon choix, comme l'appelait de ses voeux le président Valéry Giscard d'Estaing, s'est imposé de justesse en 1978. Mais de ce court succès, Giscard profite fortement. Il maintient le cap et transforme l'essai aux européennes l'année suivante. Alors, tous les regards se tournent vers la prochaine échéance, l'élection présidentielle de mai 1981. Il s'agit de confier le pouvoir à un seul homme, élu au suffrage universel direct. Cette année-là s'inscrit dans le sillage des chocs pétroliers de 1973 et de 1979 qui plongent les pays occidentaux dans une situation inédite, à même de cristalliser les camps et les idéologies. Les peurs, les craintes, les espoirs s'exacerbent à mesure que l'échéance approche. Pour cette campagne, la gauche doit se remobiliser, car la candidature du premier secrétaire ne fait pas l'unanimité. Il y a en effet sur sa route un certain Michel Rocard. Conflans-Sainte-Honorine. En ce dimanche 19 octobre 1980, cette ville des Yvelines connaît une agitation inhabituelle. De nombreux journalistes arrivent. La rumeur court, il se passe quelque chose. La presse s'agglutine dans la salle des fêtes du centre-ville. Le maire, Michel Rocard, s'apprête à prendre la parole. Il est 19h40. Ici, à Conflans-Sainte-Honorine, et aujourd'hui, j'ai décidé de proposer aux socialistes d'être leur candidat à la présidence de la République. Aujourd'hui, parce que le Parti Socialiste est un parti démocratique, où tous les adhérents votent pour désigner leur candidat. que cette procédure de désignation commence aujourd'hui. Le temps est donc venu pour les socialistes, en même temps que pour l'opinion tout entière, de savoir clairement et sans équivoque à quoi s'en tenir. Le temps est donc venu qu'un candidat soit un candidat, car la détermination est une condition du succès. J'assumerai dans leur intégralité toutes les responsabilités qu'implique ma volonté de demander leur confiance aux Français. Ça y est, après des mois d'affrontements à distance par presse interposée, la guerre des roses s'affiche au grand jour. Michel Rocard vient de faire le premier pas, qui apparaît pourtant comme un faux pas. Sur la forme d'abord, erreur technique, il s'adresse à la mauvaise caméra, il parle donc de travers aux Français, l'effet des plus dramatiques. Bancal, Michel Rocard est aussi sur le fond. Il donne l'impression d'être dans une espèce d'entre-deux, je veux affronter François Mitterrand, mais bon, c'est quand même François Mitterrand, il tient le parti. On a l'impression que Michel Rocard s'adresse à la France pour parler aux socialistes. Pas très habile pour celui que les sondages ont consacré meilleur candidat de la gauche et pas très convaincant de la part du champion autoproclamé de cette deuxième gauche qui se voulait moderne, dynamique, innovante. Surtout que Michel Rocard a déjà commencé à couper la branche sur laquelle il était assis. Au congrès de Metz en 1979, il s'est enfermé lui-même dans une promesse. « Si vous êtes candidat, cher François Mitterrand, je ne le serai pas contre vous. » Eh bien voilà, c'est réglé, François Mitterrand n'a plus qu'à se porter candidat. Et de fait, il se déclare le 7 novembre, renvoyant Michel Rocard à ses chères études de social-démocrate. Et c'est le 24 janvier 1981, au congrès du PS à Créteil, que cette candidature est officialisée. À la tribune, François Mitterrand remercie le parti et n'oublie pas d'adresser un petit message à Michel Rocard. « Je vous remercie de la confiance que vous me faites. Je la reçois comme un honneur. Il n'est pas d'honneur dans la facilité. Et comme le témoignage fraternel d'un parti rassemblé. Cet honneur, je ne l'ai pas sollicité pour mettre dans ma poche notre drapeau. Soyons nous-mêmes, vous ai-je dit si souvent. Eh bien, je porterai le socialisme auquel nous avons adhéré et auquel nous croyons, sans renoncer à rien de ce qui fait sa force et sa grandeur, de ce que signifie son message et de ce qui est sa réalité. Je n'en veux distinguer aucun, si ce n'est Michel Rocard, qui pouvait prétendre à nous représenter dans cette grande circonstance et pour lui dire, avec amitié, que, s'il ne le savait pas déjà, il n'est pas de frontière plus facile à franchir que celle qui sépare le présent de l'avenir. On appelle cela le baiser de Judas. Pour les socialistes, la campagne peut vraiment commencer. Elle s'annonce difficile. Les relations avec le Parti communiste sont plus que froides. Georges Marchais ne ménage pas ses attaques. Eh bien, nous serons unitaires pour deux, répond François Mitterrand. À gauche, les candidatures sont nombreuses. Brice Lalonde pour les écologistes, Arlette Laguiller pour Lutte ouvrière, Michel Crépeau pour les radicaux et Huguette Bouchardot pour le PSU. Mais les dissensions à droite vont faciliter les choses. Dans le camp d'en face, en effet, c'est la cacophonie, une tradition. Jacques Chirac, candidat du RPR et ancien Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, ne ménage pas ses attaques contre le président candidat. La France découvre qu'elle possède bien plus de gaullistes qu'elle ne l'imaginait. Michel Debré et Marie-France Garraud, si acides l'un que l'autre, mais sans réelle portée, se présentent également. Valéry Giscard d'Estaing est dans la position inconfortable de celui qui se présente et doit défendre un bilan mitigé à cause du chômage essentiellement qui ne cesse d'augmenter. Et puis il y a les affaires, Diamant de Bocassa en tête, le style personnel de Giscard aussi, aristocratique, loin des Français. Pas très bon tout ça. Pendant ce temps, rue de Solferino, au siège du Parti Socialiste, l'humeur est au beau fixe. Coluche se retire, c'est un soulagement pour l'équipe du candidat socialiste. Les sondages également sont souriants. Le moment est donc venu pour François Mitterrand de prendre de la hauteur. Le 16 mars 1981, il frappe un grand coup. La scène a pour cadre l'émission Cartes sur table, animée par Jean-Pierre Elkabbach et Alain Duhamel. Le candidat est interrogé sur de nombreux domaines. Quand arrive une question sur la peine de mort, la question de société numéro 1 à l'époque. C'est un tournant de sa campagne, en direct, un moment historique. Je n'ai pas du tout l'intention de mener ce combat à la face du pays en faisant semblant d'être ce que je ne suis pas. Dans ma conscience profonde, dans ma conscience, dans le fort de ma conscience, je suis contre la peine de mort. Et je n'ai pas besoin de lire les sondages qui disent le contraire. Une opinion majoritaire est pour la peine de mort. Eh bien moi, je suis candidat à la présidence de la République et je demande une majorité de suffrage aux Français, mais je ne la demande pas dans le secret de ma pensée. Je dis ce que je pense, ce à quoi j'adhère, ce à quoi je crois, ce à quoi se rattachent mes adhésions spirituelles, ma croyance, mon souci de la civilisation. Je ne suis pas favorable à la peine de mort. Le regard face à la caméra, le ton solennel, la sincérité de la réponse, à l'encontre de l'opinion majoritaire sur une question aussi sensible, marque profondément les esprits. François Mitterrand se refait d'image et prend la dimension présidentielle. Mais il n'est pas encore à l'Élysée, il lui faut donner un dernier coup de rein. Alors les meetings s'enchaînent, tous porteurs d'un souffle, d'un immense espoir pour le peuple de gauche. De surcroît, Mitterrand est un orateur exceptionnel. Giscard a présenté sa candidature, disait-il, il aurait mieux fait de présenter ses excuses. Sur les murs des salles, on peut apercevoir la fameuse affiche imaginée par Jacques Séguéla. Le visage souriant et apaisé de François Mitterrand, en gros plan, le regard porté au loin. Derrière lui, un ciel bleu teinté de rouge est découpé dans l'horizon par le clocher du petit village de Sermage sur ses ternies vernaises. À la retouche, on gommera un peu la croix de l'église. Les socialistes restent quand même laïcs. En haut de l'affiche, un slogan, la force tranquille, histoire d'apaiser les craintes de ceux qui pensent qu'avec la gauche, nos fermes vont devenir des colcoses. À la tribune, le candidat a le ton posé, la voix chaleureuse, toujours penché en avant sur son coude droit. À Bordeaux notamment, il épingle les cassantes de la droite. Que de fois ai-je noté à la veille des élections, et particulièrement en 1974, à la veille des élections présidentielles, les bruits qui rasent le sol, les bruits qu'on fait courir. Ah, si la gauche l'emporte, attention, vous aviez une petite maison, mais ils vont vous la prendre. Vous avez une retraite, ils vont vous l'arracher. Vous avez de l'épargne, ils vont vous la voler. C'est ce qu'ils disent, les autres. Ils n'existent que par la peur qu'ils répandent dans l'opinion publique. Puis François Mitterrand dégaine ses 110 propositions pour la France, où l'on retrouve aussi bien la réduction du temps de travail à 35 heures que le retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan. Et ça fait l'affaire, la dynamique est là. Après une campagne courte mais intense, les socialistes attendent les résultats du premier tour. Regarde, quelque chose a changé, l'air semble plus léger, c'est indéfinissable. Regarde, sous ce ciel déchiré, tout s'est ensoleillé, c'est indéfinissable. Homme, une rose à la main, a ouvert le chemin vers un autre demain. Les enfants, soleil au fond des yeux, le suivent de par deux, le cœur en amoureux. Regarde ces fanfares et musique, tintamarre et magique, féerique. Regarde, moins chagrin, moins voûté, tous ils semblent danser, leur vie recommencer. Regarde, on pourrait encore y croire, il suffit de le vouloir, avant qu'il ne soit trop tard. Regarde, on en a tellement rêvé, que sur les murs bétonnés, poussent des fleurs de papier. Et l'homme, une rose à la main, étoile à son destin, continue son chemin. Seul, il est devenu des milliers qui marchent émerveillés dans la lumière éclatée. Regarde, on a envie de se parler, de s'aimer, de se toucher et de tout recommencer. Regarde, fête retrouvée. Ce soir, quelque chose a changé. L'air semble plus léger. C'est indéfinissable. Regarde au ciel de l'autre soir. Une rose à nos mémoires dessine le mot espoir. Dimanche 26 avril 1981. À 20h, les résultats tombent. Jean-Pierre Elkabbach les annonce sur Antenne 2 avec la voix blanche et angoissée de celui qui ne règnera plus très longtemps sur l'info politique à la télé. Nous sommes donc dimanche 26 avril. Il y avait 37 millions d'électeurs inscrits pour le premier tour de l'élection présidentielle. Antenne 2 et Europe 1, il est maintenant 20h. Estimation C2I Honeywell-Bull. Valérie Giscard d'Estaing, 28,9. François Mitterrand, 25,1. Valérie Giscard d'Estaing et François Mitterrand sont donc qualifiés pour le deuxième tour. Ils se retrouvent en finaliste comme en 1974. Jacques Chirac, 17,7. Georges Marchais, c'est la surprise et la nouvelle historique, 16. 45 ans après le scrutin victorieux du Front populaire, le Parti socialiste atteint un double objectif. Talonner le président sortant et capter une partie des votes du Parti communiste. Ça y est, le rapport des forces est inversé à gauche. Le PS est devenu plus fort que le PC et c'est l'œuvre de François Mitterrand. Circonstance aggravante pour le président sortant, Jacques Chirac n'appelle pas directement ses électeurs à voter pour Valéry Giscard d'Estaing. Il dit seulement qu'à titre personnel, il votera pour le président candidat. À titre personnel, la formule est assassine. Georges Marchais et les communistes, eux aussi, sont sonnés. Mais, en se pinçant le nez, ils voteront pour François Mitterrand. Dernière grande étape, le duel télévisé entre les deux tours, l'acmé de la campagne. Le mardi 5 mai, au studio 101 de la Maison de la Radio, le décor a changé. 7 ans avant, il y avait eu le monopole du cœur, formule gagnante pour Giscard. 7 ans après, c'est Mitterrand qui sort la bonne carte. Vous ne voulez pas parler du passé, je comprends bien, naturellement. Et vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a 7 ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. Cela gêne un peu votre démonstration d'aujourd'hui. Vous m'avez reproché d'avoir exercé une sorte de ministère de la parole. Mais moi, j'étais dans l'opposition. J'ai rempli mon rôle démocratiquement dans l'opposition. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Et l'opposition, ce n'est pas rien dans une république. J'ajoute que j'ai utilisé ce temps pour faire avec d'autres un grand parti qui est devenu un parti menaçant pour la majorité presque ancienne que vous représentez aujourd'hui. Donc j'ai pas perdu mon temps, et si je pouvais faire pour la France demain, à la mesure de la France, bien entendu, ce que j'ai pu faire pour le socialisme en France, ma foi, ce ne serait pas perdu. Giscard est sonné. François Mitterrand sort de ce débat avec la certitude de n'avoir pas perdu de points, à la différence de 1974. La campagne socialiste s'achève à Nantes, face à un public en liesse. C'est que la France de gauche commence à y croire. D'ailleurs, à la fin du meeting, ce n'est plus l'international qu'on entonne, mais la Marseillaise. François Mitterrand ne s'adresse plus aux socialistes, mais aux Français. France Inter. Affaires sensibles. Et il arrive ce 10 mai. Le peuple de gauche retient son souffle. Jean-Pierre Elkabbach s'étouffe. 38 secondes. Eh bien, nous sommes donc dimanche 10 mai 1981, le deuxième tour de l'élection présidentielle. Nous vivons ensemble un moment décisif. Dans quelques secondes, effectivement. 25 secondes, pardon. 20... Soyons à l'heure. Dans quelques secondes, vous allez connaître le nom du président de la République. Dans tous les états-majors, un peu partout, dans tous les foyers, on attend ce résultat. Effectivement, vous l'aurez à l'heure précise. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Nous répétons donc, estimation C2I Honeywell-Bull, monsieur François Mitterrand est élu président de la République, 51,7%. Valéry Giscard d'Estaing, 48,3%. À la télé, le visage de François Mitterrand apparaît lentement, pixel par pixel. Oui, c'est bien lui, c'est pas l'autre. Côté crâne, ils sont tous les deux dégarnis, alors évidemment on doute, jusqu'à la dernière seconde. À Château-Chinon, c'est la fête. Une foule inhabituelle est amassée devant l'hôtel du Vieux Morvan. François Mitterrand et ses proches célèbrent la victoire. La joie aussi, rue de Solferino, au siège du Parti Socialiste, où sont réunis l'équipe de campagne et les nombreux militants socialistes. Lionel Jospin, le premier secrétaire du parti, prend la parole. Ce 10 mai est un jour de joie, d'abord pour les militants socialistes, et plus particulièrement pour les plus anciens d'entre eux, que j'ai rencontrés dans les réunions, dans les meetings, et qui nous disaient « Est-ce que je verrai un président socialiste ? Est-ce que je verrai les idées socialistes portées au fait de notre pays ?» Eh bien, ce jour est arrivé. Et c'est aussi, je le pense, un jour de joie pour des centaines de millions d'hommes et de femmes hors de France. Je sais, je suis sûr, que cette élection de François Mitterrand est une surprise à l'étranger. Mais je sais aussi que les peuples, que ce soit en Europe, autour de nous, où nous avons de nombreux amis, mais que ce soit aussi dans le tiers-monde, en Amérique latine, en Afrique ou en Asie, se réjouit de ce qui vient de se produire en France ce 10 mai. Ils attendent de nous des mesures, une action qui leur apporte réconfort dans cette période de troubles et de crise. Et je voudrais dire aussi que si jamais des Français voulaient manifester leur joie, puisque je disais que c'était un jour de joie, et s'ils voulaient exprimer cette joie, eh bien, nous pensons que c'est sur la place de la Bastille qu'ils peuvent le faire. S'ils le souhaitent, ils le feront à l'image de ce que fut la campagne de François Mitterrand jusqu'à la victoire, une campagne forte, sereine, tranquille, car la joie, ça peut être aussi une joie intérieure. Merci. Place de la Bastille et vers la place de la Bastille. Le métro est plein à craquer. Les conducteurs n'hésitent pas à chanter leur joie dans les haut-parleurs. La foule immense commence à se former. Partout, des cris, la liesse, on chante la Marseillaise, l'Internationale. Et on installe une scène. La place de la Bastille est bondée. Ironie de l'histoire, Michel Rocard, qui se retrouvera dans un placard lors de la formation du gouvernement, est le premier à prendre la parole. Dans un discours improvisé, plein d'allant et d'espoir, il félicite François Mitterrand et annonce la nouvelle société à venir. Il est chaleureusement applaudi. La soirée est lancée, la musique et les concerts improvisés créent une communion générationnelle. Et puis il se met à pleuvoir, comme d'habitude au mois de mai à Paris. Un énorme orage éclate, comme la métaphore du bouleversement que vivent les Français dans cette nuit du 10 mai 1981. Malgré la pluie, les Parisiens continuent jusqu'au petit matin à célébrer la victoire. C'est fantastique, absolument fantastique. Enfin, je crois que la France a une possibilité d'échanger. On va voir une l'air. Vive le tonnerre! Vive le tonnerre! Vive la pluie! Vive la France! France est réellement divisée en deux. Un climat de crainte et d'espoir, de lyrisme et de surprise gagne la moitié du pays, pendant que l'autre se désespère, victime de sa peur irrationnelle du collectivisme présumé des socialistes. Au sein des chaînes de télé, certains n'emmènent pas large. La télé Giscard a tellement été dénoncée qu'on attend en tremblant la chasse aux sorcières, ce qui fut tout de même un peu le cas. Mais le plus grave se joue du côté de la Bourse, dont il faut retarder l'ouverture pendant près de 2 heures le matin du 11 mai, car une chute exceptionnelle touche les actions françaises. Un record depuis 30 ans. Le franc est attaqué, les douaniers doivent renforcer leur contrôle aux frontières pour éviter la fuite des capitaux. À l'étranger aussi, on s'inquiète. Le climat de guerre froide n'est pas propice au changement de cette ampleur. Pour une fois, les Américains et les Russes sont d'accord et accueillent tous deux fraîchement la nouvelle. Dans le monde arabe aussi, on dit sa crainte, comme le raconte ce journaliste le lendemain de l'élection. bien franchement, ici au Liban et plus largement dans le monde arabe, on ne peut pas dire que l'élection de François Mitterrand soit considérée comme une bonne nouvelle. Le président élu passe pour un ami inconditionnel d'Israël. À la réception électorale organisée par l'ambassade de France, il y avait ce soir le tout Beyrouth politique et journalistique. Des pro-syriens, des pro-saoudiens, des pro-irakiens, des palestiniens, que sais-je. Eh bien, la déception se lisait sur tous les visages. La France va perdre beaucoup dans le monde arabe, me disait le porte-parole de l'OLP, et le monde arabe va perdre son meilleur ami en Europe. D'autres se montrent déjà plus philosophes et pensent que le président ne pourra pas tenir les promesses très pro-israéliennes du candidat. Il reste que la première impression que l'on retire ici de ce résultat est nettement, très nettement, la déception. Alors, en coulisses, l'équipe de François Mitterrand prend les devants. Claude Cheysson, futur ministre des Affaires étrangères, qu'on a appelé à cette époque le ministère des Affaires extérieures, charge son jeune diplomate, Hubert Védrine, d'aller rassurer les pays arabes. Il faut faire vite maintenant, prendre rapidement en main les affaires. La transition du pouvoir aura lieu le 21 mai. Généralement, les hommes politiques aiment l'histoire, et pour cause, certains d'entre eux en deviennent des acteurs. Et c'est dans cette logique que le président a l'idée de tendre un fil entre le socialisme de Jaurès, celui du Front populaire de 1936, et celui d'aujourd'hui. C'est la fameuse journée du 21 mai, celle de la passation du pouvoir, grande séance de courtoisie républicaine. Pour la première fois de l'histoire de la Ve République, deux présidents se retrouvent à l'Élysée pour se transmettre les clés du pouvoir. Le président sortant, désormais sorti, va alors vivre le moment, on l'imagine, le plus douloureux de son parcours. Des excités vont lui cracher dessus. Puis vient la cérémonie de la prise du pouvoir. François Mitterrand entre dans la salle de réception. Il croise Pierre Mendès-France au premier rang. Les deux hommes s'embrassent. « Sans vous, rien de tout cela n'aurait été possible », glisse-t-il à l'homme de l'autre gauche, gourou de tous les sociodémocrates jusqu'à aujourd'hui. C'est l'image forte de l'investiture du nouveau président. Après un détour par la mairie de Paris, François Mitterrand gagne la rue de Soufflot qui mène au Panthéon, réussissant en toute modestie à y entrer de son vivant. Alors que maintenant, nous avançons en direction de la place du Panthéon où attendent de très nombreuses personnalités, de très nombreux invités du Parti Socialiste et des amis personnels de François Mitterrand qui sont massés devant la mairie du 5e arrondissement, c'est-à-dire face à la faculté de droit, face aussi au Panthéon, à l'intérieur duquel pénétrera tout à l'heure le président de la République. Vous entendez très certainement cette foule qui scande le nom du président de la République et vous reconnaissez quelques-unes des personnalités au premier rang à côté du président, notamment Maître Roland Dumas. Et vous entendez aussi cet orchestre de Paris qui accompagne la montée du président de la République. Précaution, sage précaution, on a installé une bâche au-dessus des choristes et des musiciens de l'Orchestre de Paris. On se souvient qu'en 75, place de la Concorde, l'Orchestre de Paris avait joué devant 40 000 personnes sous un déluge de pluie. Il ne pleut pas pour l'instant, mais le ciel est très menacé. Vous avez vu que François Mitterrand avance une rose à la main, symbolique bien sûr, et l'on sait que tout à l'heure, dans quelques minutes, c'est une rose qu'il va déposer sur deux tombes, celle du grand résistant Jean Moulin et celle du grand socialiste Jean Jaurès. Alors, il gravit les marches du Panthéon et entre en solitaire dans l'édifice républicain. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Les caméras sont à l'intérieur, elles accompagnent le président dans la solitude du recueillement. Pénombre et silence succèdent à la foule et aux cris de l'extérieur. François Mitterrand dépose une rose sur la tombe de Victor Schœlcher, l'homme de la fin de l'esclavage, puis sur celle de Jaurès, le socialiste historique, et enfin sur celle de Jean Moulin, le résistant. Liberté, égalité, fraternité, tout y est, c'est le pouvoir par le symbole. Dans la foulée de la victoire du 10 mai, les socialistes décrochent mécaniquement une large majorité à l'Assemblée et le nouveau président nomme quatre ministres communistes, une vraie rupture dans l'histoire de la Ve. Maintenant, il y a l'exercice de l'État, et c'est d'abord l'état de grâce, l'effet tout nouveau, tout beau. Mais ce sont aussi des réalités, de vraies réformes. La semaine de 39 heures, la 5e semaine de congés payés, l'abolition de la peine de mort. Dès l'été aux finances, on s'inquiète. Jacques Delors, le ministre, sévère et sourcilleux, tente de prévenir François Mitterrand. Il est ministre de l'économie. Et il lui dit qu'il faut ralentir les réformes. L'inflation continue d'augmenter. La situation va être critique. Pour le moment, Je fais de la politique, de la rigueur, on verra plus tard, lui répond François Mitterrand. Tout est peut-être là dans cette phrase. François Mitterrand, à cette époque-là, c'est le primat du politique sur l'économie, mais cela ne tiendra que 2 ans. En 1983, le président est obligé de se soumettre aux lois du marché. Pierre Mauroy annonce son plan de rigueur et enterre avec lui les espérances du printemps socialiste. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter, consacrée aujourd'hui à la journée du 10 mai 1981, le jour où la gauche est arrivée au pouvoir avec François Mitterrand. Et là, pour la première fois depuis la 5e République, et nous allons en parler avec notre invité Patrick Le Yarrick. Bonjour. Bonjour. Membre du Parti communiste français, président et directeur du groupe L'Humanité, L'Humanité le journal, L'Humanité dimanche, L'Humanité FR, et puis la fête de l'Humanité, évidemment. Vous avez siégé également au Parlement européen de 2009 à 2019, c'est bien ça? Oui, oui. Bien, alors avant de parler de mai 81 et des quatre communistes au gouvernement, parce que ce sera le cœur de notre discussion, ce n'était pas le cœur du récit, ce sera le cœur de notre discussion, oui. En complément, je voudrais quand même qu'on revienne sur ces jours de décembre 1920, le fameux congrès de Tours, la création du Parti communiste. Deux mots pour rappeler quand même à quel point c'était important, et pour les Français, et hors de France. Ce qui se décide à ce moment-là, c'est une scission à l'intérieur de, Parti socialiste de l'époque, qui ne s'appelait pas comme ça, c'est la section française de l'Internationale ouvrière, et le Parti communiste, SFIO, et le Parti communiste naît du combat pour la paix. Il naît du rejet de cette première guerre mondiale, et évidemment avec cet attrait, cette promesse qu'il y a avec la révolution russe. Alors évidemment, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle le Parti communiste est très fort au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, parce que c'est Staline qui gagne la guerre sur le continent avec les Anglais, c'est quand même beaucoup Staline. Mais en même temps, l'URSS, alors vous ne l'avez pas échappé, je sais, à la question qui revient, mais elle est historique maintenant. Lendemain de la guerre, les partis communistes, c'est aussi l'écrasement de Prague, l'écrasement de Budapest. Est-ce que c'était tenable d'adhérer à un parti soutenant une URSS totalitaire? Alors Georges Marchais avait tenté de s'en sortir, il avait dit le bilan de l'URSS est globalement positif. Vous savez de cette oui. réponse. Bon, comment c'était tenable ça? Ben, il y a deux choses sur la guerre. Il y a ce que vous dites à propos de Staline, c'est vous avez raison de souligner que Staline c'est la grande force qui permet de gagner contre les nazis. Et c'est Stalingrad, d'ailleurs. C'est Stalingrad. Mais n'oubliez jamais la part des communistes dans la résistance intérieure contre le nazisme, qui est extrêmement important. Après, comment on adhère à un parti comme celui-là? Je peux pas convenablement répondre à cela, mais il y a quand même comme un rêve, comme une promesse. Et vraisemblablement un parti communiste qui n'est pas uniforme, le Parti communiste, entre le moment de sa création et le moment où Maurice Thorez prend les responsabilités comme secrétaire général, il y a plusieurs phases dans lesquelles il y a des phases d'ouverture, mais il y a beaucoup de phases aussi de fermeture, liées d'ailleurs à la répression qui est menée contre les communistes. Et cette répression policière contre les communistes, la pression contre eux, ben vous savez, ça crée à l'intérieur même de l'organisation parfois des tensions, des suspicions, tout ce qu'on peut connaître dans tout corps humain. Alors, on revient justement au mois de mai 81, la victoire de la gauche, on a entendu. En juin 81, donc le 23 pour être précis, Pierre Mauroy, le premier ministre de François Mitterrand, nomme 4 ministres communistes dans son gouvernement. Charles Fitterman, ça va rappeler des souvenirs à beaucoup de gens. Charles Fitterman, Annie Selle-Pors, Jack Ralite et Marcel Rigou. Alors c'est vrai que c'est un événement politique considérable. On va y revenir. Le casting quand même. Fallait pas se louper et les communistes ont choisi quand même 4 personnes très intelligentes, très ouvertes, un peu l'élite du Parti communiste. Hein. Marchais était très intelligent, mais c'était pas cette élite-là. Là, on a des intellectuels ouverts, ce qui est absolument pas antinomique avec le communisme, mais fallait pas se rater, et le choix est important, le casting est important. Oui, la décision a été prise, la question de la présence de Marchais au gouvernement a été posée, mais la décision a été prise au sein du bureau politique qu'il devait rester au secrétariat général pour faire un travail, parce que nous avions la référence de 36, c'est-à-dire les conditions d'une mobilisation populaire pour faire réussir le programme qui était issu du programme commun, en quelque sorte. Et oui, les ministres communistes se sont avérés des gens de très haute qualité, ouais, tous les quatre. Très haut niveau. Et avec le sens de l'intérêt national, le sens de l'intérêt de l'État, le sens de l'intérêt populaire, de l'intérêt des gens, avec des réformes extrêmement importantes. Par exemple, peut-être peu de gens aujourd'hui se souviennent que la carte orange remboursée à 50%, on la doit à Charles Fitterman. Oui, ministre des Transports. Ministre des Transports. Peut-être peu de monde se souvient que, comme il y a eu ces derniers mois un débat sur la propriété des autoroutes, c'est Charles Fitterman qui les rend nationalisés, puisque il fait un deal avec les sociétés privées d'autoroutes qui étaient endettées jusqu'au cou. Il leur dit, d'accord, l'État les rend flous, mais c'est propriété publique. Il y a tout ce que a porté Charles Peterman, c'est l'inauguration du TGV. Il était engagé avant. C'est l'avion, l'A380. C'est la loi sur les transports interurbains qu'on a appelé la loi Loti. Mais c'était, elle est toujours en vigueur d'ailleurs, et c'était très précurseur, c'est-à-dire la combinaison des modes de transport. Les communistes ont toujours été attachés au développement industriel parce que ça fait de l'emploi. Et parfois d'ailleurs, à l'encontre d'exigences écologiques. Alors, on leur reproche aujourd'hui d'ailleurs. Oui et non. C'est pas que ça fait de l'emploi. Il y a une question de l'intérêt national. Oui, on voit bien aujourd'hui. On est en train de débattre aujourd'hui d'une question, la question du vaccin. Le débat devrait porter un peu plus sur le fait de savoir si on a suffisamment mis d'argent dans la recherche, si on a développé nos laboratoires pharmaceutiques, si c'est une bonne chose que ce soit privé, que c'est la loi du profit qui règne et non pas la loi du bien commun. Donc, dans la part de ce que vous dites, il y a du vrai, c'est-à-dire le développement industriel et agricole a eu les inconvénients que vous dites, mais depuis toujours dans les textes de Marx, pour y revenir, il y a toujours eu le souci de l'homme et de la nature. Et Marx, par exemple, explique, il est même intervenu dans des congrès de l'International, il y a évidemment très longtemps de ça, contre certains de ses camarades, pour dire, non mais la valeur, ce n'est pas seulement le travail humain, il y a aussi la nature. C'est, alors, peut-être nous n'en avons pas suffisamment tenu compte, vraisemblablement, mais il y a toujours des conditions historiques, des évolutions historiques. Alors, il y avait à l'époque, je me souviens, dans les années 80, donc un parti communiste incarné de façon traditionnelle par Georges Marchais, puis il y avait d'autres intellectuels qui faisaient penser peut-être un communisme à visage humain, celui de Berlinguer, en Italie par exemple. Ouais, l'impression que c'était pas cette mouvance-là qui était minoritaire, place du colonel Fabien. C'est-à-dire, vous avez... Si vous voulez, souvent, on compare le Parti communiste français au Parti communiste italien. Il y a beaucoup de points communs, d'ailleurs, à tel point qu'à un moment, Georges Marchais et son entourage, enfin, c'est une décision collective, avaient promu, notamment avec Berlinguer et Santiago Carrillo, ce qu'on a appelé l'eurocommunisme. Ah oui, absolument. Mais il y a une question de fond sur les racines des deux partis communistes. Le Parti communiste français, il est un parti qui a promu la classe ouvrière, les ouvriers, dans ses directions et dans ses postes d'élus. La composition du Parti communiste italien et l'histoire du Parti communiste italien, elle est un peu différente, parce que c'est vrai, vous avez raison de dire que Berlinguer était un grand intellectuel, un grand lecteur et une personnalité admirable, mais la direction du Parti communiste italien et sa composition, c'était beaucoup déjà les classes, entre guillemets, intellectuelles. Bourgeoise, c'est une représentation bourgeoise, en fait. La famille de Berlinguer, c'est un peu ça. Et d'où des façons parfois de penser et de réagir qui n'étaient pas tout à fait les mêmes. Il y a beaucoup de points d'accord, bien évidemment, mais il y a eu des façons de voir les choses qui n'ont pas été les mêmes. Il y avait deux familles de pensée quand même à l'intérieur d'une même famille. On se retrouve dans 3 minutes après avoir écouté Père de B, des rêves. Je suis dans la vie comme dans mes rêves, et quand je crève, je suis le cri de qui me croit, qui me prie. Je suis comme ça dans la vie, je renie jusqu'à mon sang et je ne sens plus qui je suis. Il n'y a plus d'innocents. J'aimerais dire que je sais ma route et que je ne doute que quand j'ai bu, mais vu que je suis à nu, plus personne avec qui ruminer mes envies et vivre sans avoir l'air cher comme un courant d'air. Derrière la vie, mon frère pleure de me voir si triste. Dans mes rêves, ils ont tout pris, tout pris. Le monde crève, mais on sourit. C'est un rêve, ou ma folie, folie. Les gens rêvent, et puis oublient. Il était 5h et je me lève, en sur dans mon lit. Je n'ai pas dormi aussi mal que depuis la nuit où j'avais rêvé. Avoir tué de sang-froid un homme, bam, avec une âme que j'avais trouvée là, sur le sol. Mes jours se suivent et ne se ressemblent que par leurs bêtises. Je n'attise pas le feu, mais je veux qu'on me dise pourquoi la vie est une pute, pourquoi veut-elle qu'on l'écoute pour nous pousser. poussé vers la chute avec l'amour dans les côtes. J'ai pris le métro et j'ai vu la peur dans leurs yeux. Ils ne fuient plus, ils se flippent tous et les flics courent. Celui qu'on tue, ils ne regardent plus que leur smartphone. Dans mes rêves, ils ont tout pris, tout pris. Le monde crève, mais on sourit. C'est un rêve, ou ma folie, folie. Les gens rêvent, et puis oublient. Je suis dans la vie comme dans mes rêves. Sans trêve, je voudrais que crèvent tous les artifices pacifistes. Je n'en suis pas moins en colère. J'aimerais bien que la chair se rebelle à la terre. Je rêve que les rues d'Hollywood se fendent en deux, les stars au coude à coude et les pauvres au milieu. Plus rien sur la montagne, désespoir démenti. Plus rien que la complainte pathétique des nantis. Je rêve tous les soirs quand je suis dans mes songes, les visages émaciés qui s'en vont vers les tombes, les fantômes obscurs des rues sans objectif, les rêves à la chaîne d'un beau pays fasciste. Il y a dans les yeux toujours un peu d'espoir. Je veux dans le noir y croire, toujours y croire. Même les chiens n'en peuvent plus d'obéir à leur maître. Je ne serai jamais à eux. Ce matin, il fait beau et je signe avec mes doigts. Le sang d'hier qui sèche vivra à travers moi. Et toi, nous irons danser comme tous les samedis. Je ne pense qu'à rêver. Que les étoiles oublient quand les cœurs et les corps sont au même BPM. Je m'oublie et puis j'oserai te dire que je t'aime. Dans mes rêves, ils ont tout pris, tout pris. Le monde crève, mais on sourit. C'est un rêve. Patrick Louis-Aric, je rappelle que vous êtes à la tête de l'humanité, vous êtes communiste, et que nous parlons des ministres communistes, les premiers sous la Ve République, donc recrutés par Pierre Mauroy sur demande de François Mitterrand. La question est, au-delà du casting, on l'a dit, c'est impeccable, Fitterman, Le Port, Alit, Rigou, pas de problème, pas d'erreur de casting. Qui des bilans considérables, voilà, sous-estimés. En plus. Mais au-delà du respect des accords électoraux, et des bonnes manières de la vie politique, pourquoi diable François Mitterrand a-t-il nommé des ministres communistes, sachant qu'il allait attirer suspicion parfois, inquiétude des Français et inquiétude de l'étranger, et en particulier des Américains? Ben, il y a un rapport de force. Georges Marchais fait à l'époque 15,35% des voix. Et il y a un élan populaire, c'est-à-dire que dans la campagne de 81, qu'il s'agisse des meetings de François Mitterrand, mais aussi ceux de Georges Marchais, il y a un monde considérable. Georges Marchais, il a par exemple, rempli le vélodrome à Marseille. J'ai vu à Bordeaux, il y avait énormément de monde. Il a rempli Bordeaux, il a rempli ici le Parc des Princes. Ouais. Donc c'est un élan populaire considérable. Absolument. Et une politisation des populations, des masses, comme on dit parfois, mais en tout cas des milieux les plus modestes jusqu'aux couches moyennes. Et donc ce rapport de force-là a conduit, après la signature du programme commun, après les débats qu'il y a eu entre socialistes et communistes, il ne pouvait pas ne pas y avoir de ministre communiste. Simplement, je mets un bémol à ce que je vous dis, c'est que dans ce rapport de force-là, quand François Mitterrand il dissout l'Assemblée nationale, en gros, il fait l'inversion du calendrier électoral avant l'heure. Il y a une majorité, une forte majorité de gauche, mais dans cette majorité de gauche, il y a 285 socialistes et 44 députés communistes. Et il y a quand même 4 députés, 4 ministres communistes. Et donc, le rapport de force au Parlement change beaucoup de choses. Par exemple, Jacques Ralit, il a des projets qu'il n'a pas pu mettre en œuvre parce que le groupe socialiste s'y est opposé. Parfois Pierre Mauroy était d'accord, une bonne partie du gouvernement était d'accord, mais le groupe socialiste s'y opposait. Par exemple, il y a eu plusieurs cas comme ça que je peux raconter. Et donc, C'est ça qu'il conduit, c'est ce mouvement populaire qui se déploie pendant toute la campagne et ce rapport de force qui conduit François Mitterrand à prendre cette décision. Mais puisque vous parlez de rapport de force, alors c'est plus facile à dire maintenant parce qu'avec le recul c'est plus simple. Nous on voit bien que le dessein de François Mitterrand est peut-être dès 1971 au Congrès d'Épinay où il prône l'arrivée au pouvoir par l'union de la gauche, on est bien d'accord. Il y a le programme commun, la rupture du programme commun, il y a toute une histoire. Mais enfin, ce que veut François Mitterrand, on s'en aperçoit, c'est prendre les communistes avec lui pour mieux les étouffer et pour que le rapport de force à gauche soit alors, et pour le coup, complètement favorable au Parti Socialiste. Mais plus que favorable encore. Tout à fait, mais il s'en est pas caché. Interrogé à Vienne quelques semaines après la signature du programme commun en juillet 72, interrogé par ses camarades, il, notamment Willy Brandt à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, il répond « J'ai fait une alliance avec les communistes pour leur prendre 3 millions de voix ». Autrement dit, ce que vous dites est parfaitement exact. C'est que il fallait une inversion du rapport de force, parce que les communistes étaient dominants, pas hégémoniques, mais dominants à gauche. Et il y a eu petit à petit cette inversion du rapport de force à la faveur du programme commun, qui faisait que pour un ouvrier qui ne voulait absolument plus de la droite, voter socialiste ou communiste, c'était la même chose puisqu'ils avaient le même programme. Social ou communiste, il disait. Voilà, mais il y avait un élément supplémentaire sur lequel François Mitterrand a beaucoup joué, c'est que François Mitterrand a dit, vous voyez bien, les communistes sont inféodés à Moscou. Là-bas, il n'y a pas de liberté. Moi, je suis le garant des libertés. Oui. Et peu à peu, c'est la multitude de ces phénomènes a créé des conditions pour une inversion, c'est-à-dire une domination du Parti socialiste sur la gauche. Mais sans ce rapport de force et sans les ministres communistes, il n'y a pas cet élan à gauche, notamment les deux premières années, dans les réformes de gauche dont je parle. Mais j'entends bien. Évidemment que les communistes ont poussé à la roue pour la réforme la plus sociale, ce qui paraît tout à fait logique. Voilà. Et évidemment que quand Fabius arrive en 84, ils sont pas à l'aise et ils s'en vont. C'est normal puisqu'il y a presque une rupture idéologique. Quel est votre regard sur la nature, pour le coup, de la participation d'autres communistes à un autre gouvernement qui lui est encore plus social-démocrate, celui de Jospin? Ben, vous savez, malheureusement, il faudrait faire plus le bilan de la participation gouvernementale des communistes. Voilà, est-ce que la participation des communistes à divers gouvernements les a plombés ou au contraire les a enrichis? Ah ben la période 1981, ça nous a fait plutôt du mal puisque vous rappelez que aux élections européennes quelques semaines avant de quitter le gouvernement, le Parti communiste descend à 11% des voix. Donc, ça n'a pas été, de ce point de vue, positif. Alors, on va vite sur Jospin, parce que vous poser une dernière question après. Et dans l'affaire du gouvernement Jospin aussi, puisque Jospin s'est planté, malheureusement, mais aussi Robert Rue, qui est descendu, Jospin fait 15 et Robert Rue descend à 3,7. Voilà. Être communiste aujourd'hui, il fallait bien finir par ça. Quel espace? Quel rêve, finalement, pour un communiste aujourd'hui, dans la société telle qu'on la connaît aujourd'hui? J'imagine que c'est pas simple. D'ailleurs, c'est pas simple pour quelqu'un de gauche, ou même pour quelqu'un de la droite traditionnelle aujourd'hui, puisque ça a été atomisé, tout cela. Le modèle pourtant structurant de la droite et de la gauche, la vie politique française, il était atomisé. C'est comme ça. Les Français l'ont voulu comme ça. Être communiste dans ce contexte, qu'est-ce que c'est? Contrairement à ce que peut-être vous attendez que je vais vous répondre... Ah non, j'attends rien. D'accord. Je n'attends rien. Moi, je trouve enthousiasmant. Je vais vous dire pourquoi. Allez-y. Parce que, malheureusement, on est au bout d'une période à tout point de vue. Je ne vais pas faire le panorama général, mais vous voyez bien que le système est à bout de souffle, la financiarisation de l'économie nous emmène dans le mur. Ce même système, il porte préjudice à la fois aux équilibres climatiques et à la biodiversité. Et donc, il faut inventer un nouveau projet de civilisation. Pas les communistes seuls, mais les communistes, ils ont un outillage qui leur permet aujourd'hui d'affronter cela pour proposer tout autre chose, un chemin nouveau, mais il faut le faire, évidemment, dans le débat, la confrontation et l'action. Parce que ce qu'on n'a pas dit à propos de la participation gouvernementale, c'est ce qui a manqué à chaque fois le plus, c'est la mobilisation populaire, la mobilisation des gens pour pousser en permanence à la transformation sociale et environnementale. Pierre-Yves Dorolin, j'étais en train de regarder notre réalisateur Pierre-Yves Dorolin. Voilà. Non, Patrick Le Yarrick, comment va l'UMA, en deux mots? Ben, nous sommes dans une situation un peu meilleure que nous avons été. Nous sommes dans un plan de continuation. Nous avons de bons résultats en abonnement et en vente, évidemment. Comme tout le monde, on subit deux phénomènes, le confinement et puis l'attrait vers le numérique qui nous porte préjudice. Mais ça va et je vous remercie d'avoir posé la question pour me permettre d'inviter à le lire. Mais on vous souhaite le meilleur parce que vous êtes un journal. Merci. Patrick Le Yarrick, vous êtes aussi, vous n'êtes pas qu'un journal, c'est un directeur du journal. Merci d'être venu. Merci beaucoup, merci à vous. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, mai 81, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Pierre-Yves Dorolin.